Chapitre 16e. Mystifié. Il est aisé de faire une promesse et quelquefois difficile de la tenir. Delbon l'éprouva. Dans 3 ou 4 jours, on sera la veille de Noël, et l'ingénieur ne possédait pas la moindre indication sur la résidence actuelle de Perrette Limoz. Il avait tour à tour envisagé les projets les plus insensés pour se procurer l'adresse désirée. Mais à la réflexion, aucun d'eux ne lui avait paru assez sérieux pour qu'il s'y arrêtât. Comme il arrive souvent, il se trouvait sur le point de se résigner, faute de mieux, à l'impossible, lorsqu'une idée lui vint. Qui sait si le Claude, l'instituteur, ne serait pas susceptible de fournir les renseignements souhaités? Il avait ses grandes et petites entrées chez Madame Leroy. Rien d'extraordinaire à ce qu'il sût ou pût savoir où demeuraient les parents de l'une des plus anciennes élèves de l'institution. Il était pourtant assez difficile de demander un brûle-pourpoint à le Claude des explications qui risqueraient de lui mettre la puce à l'oreille, et même de compromettre davantage la jeune fille. Mieux valait essayer de les obtenir d'un air indifférent, et sans paraître y attacher d'importance, au cours d'une de ces conversations à bâton rompu où l'on s'entretient de tout, de rien et d'autre chose. Malheureusement, Delbon ne fréquentait pas le Claude qui l'agaçait un peu, avec ses prétentions à la distinction. Il convenait de trouver un prétexte. Ce n'était pas difficile. Delbon avait assez l'expérience de la vie pour savoir que l'on obtient plus des individus en flattant leurs travers et leurs ridicules qu'en les louant de leur réelle qualité. Il expédia donc chez le magister Bernard, porteur du mot suivant. « Cher monsieur, ainsi que vous vous en plaignez vous-même, les relations intéressantes ne pullulent pas à Maubuisson. Pourquoi ne pas resserrer celle qui serait l'occasion du plus charmant des commerces intellectuels? Venez donc sans façon ce soir, si nulle occupation ne vous retient, sur le coup de 6 heures. En ami, je vous invite à dîner. Je suis persuadé que vous accepterez de même et que nous passons ensemble un agréable moment. Dans cette espérance, je vous serre cordialement la main. » La réponse ne se fit pas attendre. Une demi après 4 heures, un gamin la porta. Il l'avait serré avec soin dans son cartable en bois, entre son atlas et ses cahiers, dans son sous-main. Il la présenta avec une certaine rudesse. « Voilà pour vous !» et attendit qu'on récompensât la commission de quelques sous. Sous la tignasse ébouriffée, ses yeux fureteurs guettaient visiblement le mouvement de Delbon qui glissait la main dans le gousset de son gilet. Le courbier de l'ingénieur lui avait attiré une lettre qui l'amusa un peu et dont il fit non sans attention un signet pour le Bouvard et Pécuchet qu'il était en train de relire. Elle était ainsi conçue « Tibi gracias, cher monsieur ». Nulle proposition ne saurait m'être plus agréable que la vôtre. Je ne la décline donc point, et j'aurai l'honneur ce soir de m'asseoir à votre table. Vous avez fort raison. Il faut entretenir de son mieux le maigre foyer d'intelligence qui végète à Maubuisson et se réfugier de concert dans le domaine des pures idées. Vous pouvez compter que, pour la réalisation de cet ambitieux projet, je vous suis tout acquis. Puisque l'occasion se présente, je serai même heureux d'en profiter pour avoir votre avis éclairé sur un recueil de poésie, fruit de mes veilles et de mon labeur, que j'intitule « Les larmes du soir », et dont je vous offrirai en quelque sorte la primeur, en vous en lisant des extraits. À bientôt donc, je marque ce jour d'une pierre blanche, et vous prie de croire à mes sentiments les meilleurs. » Le Claude ne se fit pas attendre, et tout de suite s'excusa de n'avoir point passé son vêtement de cérémonie. « Je me suis permis, dit-il, de venir en voisin, en tenue de ville, sans solennel apparat. » Delbon le mit à l'aise. « C'est certainement ainsi, cher monsieur, que je l'entendais. J'aurais été désolé que vous le comprissiez autrement. C'est tout à fait la bonne franquette, à la fortune du pot, entre nous, entre amis. » L'instituteur s'assit, après avoir déposé à sa portée sur le guéridon un rouleau imposant de papier qu'il tira de la poche de son pardessus et que l'ingénieur considérait avec une certaine inquiétude. Il pensait « Diable ! Mon pindare normalien aurait-il l'intention coupable de lancer ces innombrables vers à l'assaut de mon esprit en désarroi ? Petit chaperon rouge, petit chaperon rouge. Vous ne vous doutez pas, ingrat, des sacrifices que vous me coûtez et de la nécessité où je me trouve de subir la compagnie d'un sot pendant un laps de temps appréciable. » Il regardait à la dérobée le magister du village. Les rares cheveux frisés qui restaient aux pédants ajoutaient à sa ressemblance avec un ovidé. Il apprécia intérieurement. Il a l'air plus naïf que méchant. Il commence à moins me déplaire. Mon Dieu, qui n'a pas ses petits travers, et puis, si j'en tire ce que je désire, je sens que je suis disposé à lui accorder une certaine sympathie. » On se mit à table et l'instituteur apprécia fort un menu dont la gloire revenait d'ailleurs à ce maître que d'élite qu'était Bernard. Les morilles à la crème glissèrent dans les gosiers comme un blanc velours. Les membres du poulet, tendres et cuits à point, se détachaient de leur carcasse avec aisance. Monsieur Le Claude se délectait. Il était assez gourmand et prétendait volontiers, dans ses élans de lyrisme, qu'il en était du goût comme des autres sens. Les seuls barbares ne se souciaient point de l'éduquer. Et, tandis qu'il portait à sa bouche une cuillère de crème au chocolat, dont la saveur onctueuse le ravissait particulièrement, il s'écria, avec un magnifique enthousiasme, « C'est à se croire chez Bria Savarin !» Cependant, Delbon ne négligeait pas le verre de son invité, dont la psychologie se modifiait à d'aussi troublantes influences. Dès le Bordeaux, il s'exprimait sans citation. Après que les coupes d'arbois mousseux se furent heurtées, il négligea les renondantes métaphores et parla à peu près, comme tout le monde, sans pompe ni boursouflure. Au liqueur, il était redevenu simple de langage et même quasi familier. Il jouissait de cette béatitude où, sans défiance, on rêve de fraternité universelle. Il ne songeait même plus à éprouver la patience de son hôte par les alexandrins à rimes millionnaires de son recueil. Ce fut alors que Delbon entreprit de le cuisiner. « Vous connaissez, Madame Leroy ?» Le Claude faillit tomber de surprise à la renverse. « Si je connais cette digne personne !» Et par conséquent, Mademoiselle Alix, sa pupille, l'une ne va pas sans l'autre. Et probablement aussi quelques-unes de leurs élèves. « Parbleu, Madame Leroy, qui veut bien apprécier mes petites clartés en pédagogie, me demande assez souvent comment elle réussirait à faire entrer un peu de géographie dans la tête de celle-ci et le moyen de rendre celle-là un peu plus appliquée. Elle en a de tous âges. Pas positivement. Quand elle les garde jusqu'à 15 ans, c'est le maximum. Cependant, Perrette Limose, tiens, vous l'avez vu. Oh, Perrette ne doit guère avoir plus de 15 ans. 15 ans, peste. Elle n'a pas perdu 100 ans. C'est un beau brin de fille que cette petite blonde. » Les vapeurs du vin amplifiaient la stupéfaction de Le Claude. Il regarda l'ingénieur avec des yeux ronds, presque hébétés, puis éclata d'un rire large, sonore, sans parcimonie. « Blonde, Perrette, blonde !»« Ah, je vois avec plaisir, cher monsieur, que vous êtes d'humeur badine. »« Comment ?» Du coup, Le Claude témoigna d'une joie sans borne. « Allons, décidément, vous aimez blaguer. »« Mais je ne plaisante pas. » Le Claude se tordait littéralement. « Avec quel sang-froid ? Quelle imperturbabilité, vous envoyez une farce. Les Anglais appellent cela de l'humour. Ah, leur gaieté est assez différente de la nôtre. Entre le talent de Mark Twain et celui de George Courteline, il y a une grosse, grosse différence. » Il allait se lancer dans une longue dissertation. Delbon, qui pour l'instant ne tenait pas du tout à s'instruire, l'interrompit. « Mais si l'un de nous deux plaisante, ce n'est certes pas moi. » De cette énergique affirmation, Le Claude resta interloqué. Delbon demandait: « Voyons, votre Perrette, à quoi ressemble-t-elle »« Perrette ? Mais elle est brune comme un corbeau, avec des yeux de diamant noir et avec cela maussade, renfrognée. Elle est de celles dont on dit qu'elle rit lorsqu'il leur tombe une dent. » Un soupçon commença à se faire jour dans l'esprit de Delbon. Il s'enquit. « Voyons, Le Claude, il n'y a pas de grand élève à l'institution de Madame Leroy dont les cheveux ressemblent à une aurore et les yeux à des gouttes d'azur. » Très flatté d'être simplement appelé par son nom, ce qui annonçait un commencement d'intimité, l'instituteur remarqua, « À une aurore, à des gouttes d'azur. Taquineriez-vous aussi la muse ? Ah, je ne suis pas jaloux de rencontrer un confrère. Notre naissante amitié ne pourra qu'y gagner. » L'ingénieur le ramena au sujet qui l'intéressait. Alors, chez Madame Leroy, point de blonde, au regard clair, à l'allure vive et décidée de garçon, avec une grâce charmante de femme. Non, ou plutôt si, mais pas une élève. L'institutrice adjointe, la propre pupille de Madame Leroy, Mademoiselle Alix. Il éclata de rire de nouveau et bruyamment. Agacé cette fois, Delbon coupa l'accès d'hilarité. « Qu'est-ce qu'il y a d'amusant dans l'histoire ? Votre sang-froid. » « Mon sang-froid, parfaitement. » « Oh, je reconnais. J'ai marché. Bien marché. » « Comme si Mademoiselle Alix était pour vous une étrangère. » « Croyez-vous que je sois aveugle ?» L'autre soir, quand elle partait pour passer quelques jours à Besançon, précisément chez les parents de Perrette Limose, vous vous entreteniez avec elle sur le quai de la gare. Si je m'étais rappelé cette conversation tout à l'heure, vous ne m'auriez pas pris. » Delbon répliqua. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous attraper. Je vous parlais certes de Mademoiselle Alix, mais je ne la connaissais que sous le nom de Perrette Limose. elle m'avait dit elle-même qu'elle s'appelait ainsi, dans je ne sais quel but, par exemple. Le Claude s'amusa franchement. Dans quel but ? Vous n'avez pas à vous creuser la cervelle pour le découvrir. Dans quel but ? Simplement dans celui de vous mystifier. Ce sont là de ces tours. Il n'y a qu'à en rire. Delbon protesta. Je n'ai pas le moins du monde envie d'en pleurer. Je ne souhaite rien que de rendre farce gentille pour farce pas méchante. J'en trouverai peut-être les moyens, si vous voulez bien m'y aider un tantinet. Vous me disiez que mademoiselle Alix passe les vacances de Noël à Besançon, chez les parents de Perrette Limoges. Que fait-il, ce monsieur Limoges ? C'est un ingénieur, je crois. Un ingénieur. Oui, un ancien élève de Centrale. De Centrale, il me semble. Savez-vous si mademoiselle Alix a accepté volontiers cette invitation ? J'ai des raisons de le croire, car elle en a refusé une autre, celle de maître Tapabord, le jurisconsulte distingué, l'esthète de goût. Delbon l'interrompit. « Oui, oui, je sais. » Il réfléchissait. Puis le visage rayonnant, il se saisit, non sans précaution, d'un flacon vénérable, déniché par Bernard dans un recoin mystérieux, et offrit avec une subite cordialité « Encore une goutte de marc, le Claude !»